Je me laisserai jamais tomber, même si je me plais pas beaucoup. Je me laisserai jamais tomber, car moi je m'aime malgré tout. Car moi, je suis le seul qui me comprenne. Car moi, je connais par cœur toutes mes peines. Car moi, je suis une étoile dans l'immensité qui brillera pour l'éternité. Je me laisserai jamais tomber, même si les gens me tournent le dos. Je me laisserai jamais tomber, même si je suis souvent KO. Car moi, je suis le ciel et la poussière. Car moi, je suis l'eau d'une source claire. Car moi, je suis la chanson qui l'emportera, la chanson qui ne mourra pas. Car moi, je suis le seul qui me comprenne. Car moi, je connais par cœur toutes mes peines. Car moi, je suis une étoile dans l'immensité qui brillera pour l'éternité. À jamais.